Salut à tous, vous êtes sur Make It Deep, nous sommes mardi 2 mai 2017, il est 19h42, nous avons 12 minutes de retard, mais nous sommes au micro de ce studio pour la 98e émission. On se rapproche encore à grands pas de la 100e, on vous en dira plus, mais je pense que ce sera la grosse teuf pour cette 100e. En tout cas voilà, nous sommes aujourd'hui réunis pour recevoir une des figures montantes de la house parisienne, en la personne d'Aurélian, aka Chemtree, qui viendra dans cette seconde partie d'émission nous parler pendant un quart d'heure un petit peu de ses projets et ensuite nous régaler avec un set d'une heure qu'il ne faudra absolument pas manquer. Niveau événement, on n'a pas encore grand chose à annoncer, mais tenez-vous prêts parce qu'il y a une fête de la musique qui s'annonce mémorable et qu'on a déjà faite l'année dernière. Ce sera au même endroit, donc pour les initiés qui le savent, ce sera au même endroit, à peu près les mêmes horaires. Et donc on aura plein de surprises à vous annoncer pour cette fête de la musique qui s'annonce encore méga méga lourde. Et sinon, on va avoir le programme traditionnel de l'émission, c'est-à-dire dans un premier temps les sorties de la semaine dont je vous parlerai avec Léo qui est en face de moi. Léo qui d'ailleurs était au Printemps de Bourges il y a une semaine et qui en tentant de faire un duo avec Garou a perdu la voix. Donc vous verrez ce qu'il en est. En tout cas, voilà, les sorties de la semaine dans un premier temps. Dans un second temps, il y aura la revue de presse de Léo, évidemment. Je vous parlerai ensuite de la soirée du week-end. Léo nous parlera de la première hebdomadaire qu'on vous propose, les avant-premières de Make It Deep. Et ensuite, on recevra donc KM3 pour l'interview. Voilà le programme de cette première heure d'émission. On va s'envoyer directement le dur après un court jingle. Les sorties de Léo, pardon, avec sa voix suave et onctueuse. Make it deep. Trop de teasing sur ma voix. Beaucoup de choses cette semaine, avec pour commencer un Various intitulé Vinyl Only 001, soit le premier d'une nouvelle série de releases lancée par le label Cela Music. Et derrière les 4 titres de l'EP, on retrouve Mark Fenger, Pepe Marquez et Profano, Echo et Alex, soit 25 minutes d'une tech house plutôt douce et vocale. Bref, de quoi se réjouir quant à l'avenir de cette série Vinyl Only du label Cela Music. Le repress de la semaine, c'est celui de l'EP intitulé Woog 15, du coup, sur le label britannique Iglo Records. Et derrière ce disque, on retrouvait avec bonheur en 2015 la tant attendue collaboration entre Henry Wu et K15, soit un split EP de broken beat et de new jazz à la fois. Ce petit bijou contenait un titre de K15, un autre d'Henry Wu et deux du Woo 15, soit un EP cohérent, riche, raffiné et musicalement appréciable. Cette semaine, le voici repressé pour le plus grand bonheur de tous ceux qui n'avaient pas pu se le procurer il y a 2 ans. Merci Iglo Records. L'OVNI du jour, c'est la première release du nouveau label Cosmic 100. Entre les intitulés barrés des morceaux et leur construction, on pense tout de suite à la vague d'écho et en particulier aux EP de Mezig. Mais c'est là que réside l'originalité de CRK, artiste donc qui signe cette EP, qui nous offre de la deep, de la house et même de la jungle dans ce premier disque appelé Nick la Police. Pour tout ça, je vous conseille d'aller jeter une oreille à ce nouveau-né hexagonal, l'intrigant Cosmic 100, donc label à suivre. Finest Hour, de son côté, est de retour avec une 8e release. L'impressionnant label allemand qui ouvrait ses portes en 2013 s'est cette fois tourné vers le format du Various et nous propose un 4 titres de haute volée. Pas étonnant donc de retrouver sur FH08 les patrons du label, Oniric et Pablo Tarno, qui signent chacun un morceau accompagné de l'anglais Voigtman et du français Tolga Fidan. Un mix européen donc qui permet à Finest Hour de nous faire patienter jusqu'à sa prochaine release. En attendant, du coup, voici mon premier coup de cœur. C'est le premier EP de Gianluca Marcelli, aka DJ GLC, qui, après 10 ans de carrière en tant que DJ, dévoile les prémices d'une belle carrière solo. Feel the Rhythm vient de sortir sur le label allemand Shift Limited et contient 4 titres, dont une version dub mix du morceau du même nom. et il présente une house aux sonorités classiques, fortement inspirées des années 90, qui fait finalement toujours du bien. J'en veux pour preuve le titre Paradise House, qui peut finalement être savouré aussi bien sur le dance floor à l'aube qu'au bord d'une piscine dans quelques semaines. On s'en écoute un extrait, Paradise House de DJ GLC, et on se retrouve juste après sur Make It Deep. C'était mon premier coup de cœur, le premier EP solo de Gianluca Marcelli, a.k.a. DJ GLC. Et le titre, c'était Paradise House. Et avant de passer à mon second coup de cœur, je voulais quand même souligner la sortie d'un nouvel EP et avec lui, du coup, l'apparition d'un label. C'est le printemps et comme les fleurs, ces derniers poussent de partout, comme le tout neuf Smile for a While. Le label est allemand et ouvre ses portes avec un EP signé The Brothers Lieb. Il est intitulé Touched, il contient 4 morceaux et un remix de Kolja Gerstenberg. Le tout s'annonce prometteur, en particulier les 2 premiers morceaux du disque, qui est sorti donc la semaine dernière sur Smile for a While, affaire à suivre. J'en viens à mon second coup de cœur. C'est un nouvel EP partagé entre Rare et Rick Sheen. Le premier est français et a su faire ses preuves en seulement un an en tant que producteur. Un succès fulgurant grâce à ses apparitions sur plusieurs grandes compilations et une collaboration sur la première release du label dont il est question aujourd'hui, Who's Susan. La maison a ouvert ses portes l'an dernier aux Pays-Bas et dévoile cette semaine un deuxième EP. Il est intitulé When She Sports Casual. Le disque contient 2 titres de Rare qui offrent un morceau raw et crade avec l'utilisation du fameux vocal du classique I'm Into This Homework et 2 autres de Rick Sheen, artiste dont je ne sais rien, j'ai perdu ma feuille, ah oui, dont je ne sais rien à part qu'il a déjà sorti un seul EP sur le label Dream Draw Recordings au début de cette année. Et comme vous ne m'entendez pas très très bien, je vais me taire et je vous laisse découvrir mon coup de cœur de Rick Sheen. Ça s'appelle Monk Nash sur Who's Susan et c'est tout de suite sur Make It Deep. Thank you. Voilà mon gros coup de cœur de la semaine, tiré de l'EP qui vient de sortir sur le label Who's Suzanne. Le titre, c'était Monk Nash et l'artiste, c'était Rick Sheen. Ouais, c'était absolument énorme. J'en viens maintenant à ma sélection de la semaine avec un premier EP qui m'a tapé dans l'œil, qui est l'œuvre de AN2. Un EP intitulé Mine, qui est sorti sur Théomatic Records. Donc, grosse balle de nu disco langoureuse, relevée par des sonorités deep, rondes et chaudes. Les tempos lents nous embarquent dans un groove paresseux auquel on s'abandonne volontiers. Gros coup de cœur pour le track intitulé Signit, avec sa basse acide et son beat disco, et ses nappes vaporeuses de synthé en arrière-fond. Derrière AN2 se cache en fait Andrei Zakharov, boss du label Théomatic, sur lequel sort ce joli maxi. Il officie sous cet alias depuis 2000 et un album sorti sur Citadel Records. Et depuis, il a produit près d'une vingtaine d'EP, mais en tout presque une centaine en comptant les productions sorties sous le nom d'Andrei Zakharov ou Humber Flame. Un producteur à la remarquable productivité qui distille avec AN2 de véritables petites bombes estivales à l'image du track Lazy Sun qui reste l'un de ses plus grands succès. Rapidement sur Théomatic, Andrei Zakharov a lancé le label à Saint-Pétersbourg en 2004 et la structure compte aujourd'hui à son actif 23 sorties dont la plupart ont été produites par AN2 mais aussi par Dipples ou encore Samos. Deuxième sortie qui m'a tapé dans l'œil, la même que Léo, The Brothers Lib avec Touched, sorti sur Smile for a While Germany. C'est un petit EP bien sympa de House Revival ambiance 90s, un achat malin à l'approche de vos DJ sets estivaux. Pas transcendant, mais on voit bien que Touch n'a pas la prétention de vouloir faire autre chose que de restituer à l'identique la vibe House 90s de la grosse pomme. Bassline ronde et puissante, accords de synthé répétitifs et euphorisants, et enfin des vocaux R&B pas trop sucrés heureusement. Mention spéciale pour le track Purple Rain, qui laisse entrevoir une inspiration cueillie dans la deep de Détroit, et qui est pour moi le track le plus solide du maxi. Smile for a While Germany, c'est à la base un collectif spécialisé dans l'organisation d'événements, fondé par Daniel Tischer et David Chenske en janvier 2011 à Francfort. Et devant le manque de labels spécialisés dans la Deep House Old School dans la région, ils ont décidé de lancer également un label, dont il s'agit de la 12e release aujourd'hui, et qui se concentre sur les producteurs du coin, nourrissant un goût prononcé pour le son 90s. Concernant The Brothers Lib, c'est sans surprise, en se conformant à ce que je disais précédemment, il s'agit ici en fait de leur tout premier EP. Un autre EP que je voulais vous chroniquer et que Léo aussi a chroniqué, comme quoi on commence à se rejoindre de plus en plus, CRK avec Nick Lapolice, sorti sur Comic Sans Records, parce que c'est pas Cosmic Sans, Juno s'est trompé, et en fait c'est le nouveau projet de la Chinerie. Un projet en plus pour la Nébuleuse Lyonnaise qui sort en physique, donc un premier maxi d'un de ses nouveaux labels intitulé Comics Sans Records. Il s'agit probablement, et à l'écoute de l'EP, de la structure destinée aux genres non représentés par les groupes de partage Facebook, à savoir les sonorités plus broken, jungle, drum and bass. Et pour le coup, rien à dire, Nick Lapolice est un putain de disque. Drum and bass crapote et jungle lunaire sont au menu de ce 4 titres qui réconciliera les plus tendres d'entre vous avec les genres électroniques parfois injustement qualifiés d'hardcore. Nick Lapolice se prêtera à une écoute domestique aussi bien qu'une utilisation en club pour varier un peu votre beat devant un public qui s'endort. Il s'agit du premier EP de la jeune structure à laquelle on souhaite le meilleur pour la suite. Rapidement maintenant, Brad Chodoko, aka Pepe Braddock, qui sort un EP intitulé Ata Zero Baby Steps sur Atavisme France. Petit événement cette semaine avec une nouvelle sortie pour notre Pepe Braddock national qui n'avait plus produit depuis début 2016. On découvre une nouvelle facette de l'artiste sous son alias Brad Chodoko, sur lequel le producteur français nous offre 4 titres de jazz futuriste complètement barrés mais diablement savoureux. Les noms des morceaux sont aussi abstraits que la musique, aride mais particulièrement riche, une véritable expérience. C'est sorti sur Atavisme France, le propre label du monsieur qui n'accueille d'ailleurs que ses sorties. On regrette seulement de ne pas avoir la chance de déguster ses morceaux en live depuis que Julien Auger a décidé de ne plus se produire dans l'Hexagone où nous ne l'avons plus vu derrière les machines depuis 2015. J'en viens maintenant à mon mini coup de cœur, qui est l'œuvre de Christopher Rowe, Second Take EP, Crime City Disco. Donc voilà, ça nous vient du producteur Teuton, illustre élément de l'écurie Smallville, qui se fait un malin plaisir à nous pousser à ne jamais travailler. Je parle donc évidemment de Christopher Rowe, mais j'ai un peu niqué ma chronique parce qu'en disant le nom avant, qui signe donc sa première sortie de l'année 2017 avec Second Take, un remarquable maxi de 4 titres où l'on retrouve la house mousse et légère de l'artiste, avec cependant l'ajout d'une atmosphère bien plus rugueuse, qui n'est pas pour me déplaire, loin de là. En effet, Second Take EP tabasse délicatement et on s'étonne de la fusion que Christopher Rowe a réussi à créer entre des éléments a priori antagoniques. C'est sorti sur Crime City Disco, qui est une jeune structure berlinoise et qui compte une dizaine d'EP à son actif. On s'envoie tout de suite donc Christopher Rowe avec Madit pendant environ 1 minute 30 et on se retrouve pour mon coup de cœur. Voilà, c'était un extrait de Christopher Rowe avec Madid sur Make It Deep. Et donc, je fais un rapide détour sur le repress de la semaine, comme d'habitude. Pour moi, le repress de la semaine, et celui-ci est vraiment immanquable, c'est le sublime maxi de Dego et Kaidi Tatam, sobrement intitulé EP2, sorti sur Eglow Records, la structure fondée par Alexander Nutt en juin 2015. Comme d'habitude avec les messieurs, on oscille entre Broken Deep et Acidulé, jazz funk électronique au groove mouse et futur jazz délicat. Quand on voit le nombre de talents qu'enfante la scène londonienne chaque année et que l'on se dit que ces deux-là font partie du tout meilleur du vivier, c'est vous dire que choper ce maxi n'est pas une option. Mon coup de cœur maintenant, il est l'œuvre de Fabio Della Torre, Mass Prod Rufus, en tant que Bosconi Sound System, avec un EP intitulé Back to France, sorti sur Bosconi Italy, évidemment. Grosse tuerie, sortie sur l'un des tout meilleurs labels italiens dont je vous parle couramment sur ces ondes, Bosconi Records. À l'occasion de sa 68e release, le label Florentin a décidé de regrouper plusieurs producteurs du label dans l'édifice d'un EP produit sous le nom de Bosconi Sound System. Ainsi, Fabio Della Torre, le fondateur du label, Mass Prod et Rufus, nous largue une véritable bombe, un ovni aux sonorités étranges et stridentes, mais aux basslines et aux beats d'une redoutable efficacité. C'est le genre d'EP club que l'on apprécie particulièrement, compilant à la fois l'énergie nécessaire pour dompter un dance floor et la créativité requise pour ne pas l'abrutir. Back to France stimule à la fois les gambettes et l'encéphale, c'est la raison pour laquelle j'en ai fait mon coup de cœur de la semaine, et on s'écoute tout de suite le track intitulé 3 Healthy Birds, et on se retrouve juste ensuite sur Make It Deep. c'était Bosconi Sound System avec Tree LC Burn. C'est sorti sur Bosconi Records cette semaine et c'est absolument monstrueux. C'est mon coup de cœur de la semaine et je vais céder la parole à Léo juste après un court jingle pour la revue de presse. Et je commence avec la nouvelle la plus appréciée des réseaux sociaux cette semaine. Le Wood Fleur de Concrète sera gratuit tous les mercredis jusqu'à fin septembre. Il faut dire qu'après avoir été les premiers à obtenir une licence d'ouverture pendant 24 heures, l'équipe de Concrète semble inarrêtable. Le club du Quai de la Râpée présente cette fois un argument de choc en réduisant ses prix d'entrée à zéro, le temps d'une soirée par semaine. Le lieu en profitera pour mettre en avant les collectifs parisiens du moment comme Durvie, Into the Deep ou encore New Track et IQ, qui ouvrira cette saison spéciale demain de 22h à 6h. Un autre événement a fait le tour cette semaine, c'était la remise du titre d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres à Jeff Mills. Vendredi dernier, le pionnier techno et musicien de haute volée a reçu le titre honorifique des mains de Jack Lang et en a profité pour donner un discours qui n'a pas manqué de toucher ses proches présents ainsi qu'Internet. Et j'ai toujours pensé que la musique devait servir à faire un monde meilleur, à faire que les gens soient meilleurs, a-t-il dit, en saluant toutes les personnes qui ont compté durant sa longue carrière. Je voudrais aussi remercier votre pays, la France et la ville de Paris d'avoir été aussi accueillante, de m'avoir permis d'y habiter, d'y travailler et de matérialiser ces idées, ce que je n'aurais sans doute pas pu faire n'importe où ailleurs. De belles paroles pour un homme pas comme les autres qui, on l'espère, a encore 20 années de carrière devant lui. Le festival de la semaine, c'est le suédois Into the Valley. D'abord parce qu'en seulement 2 ans, le succès de l'événement est tel qu'il existe déjà une édition en Afrique du Sud et une nouvelle en Estonie. Du 29 juin au 1er juillet, du coup, Into the Valley se tiendra à Rumu, ancienne prison et camp de travail. Outre un don pour choisir des lieux uniques chargés d'histoire, le festival est aussi écolo et surtout fervent défenseur de l'égalité homme-femme. C'est pourquoi il s'applique à présenter un line-up composé à 50% de femmes, mais aussi d'artistes locaux issus de chaque lieu choisi. Cette année, donc, lituaniens, lettons et russes seront très bien représentés au line-up d'Into the Valley. Le mix de la semaine original, c'est celui d'Usain Bolt. Le multimédaillé olympique aime aussi la musique et dévoilait celle de son pays à travers un mix. Diffusé sur Radio Jamaica, il a été concocté dans le cadre de l'exposition Jamaica Jamaica qui se tient à la Philharmonie de Paris jusqu'au 13 août. Un très bel événement que l'on vous conseille d'aller découvrir tant pour sa spécificité que pour les sons et l'histoire musicale d'un pays souvent limité dans nos têtes au grand Bob Marley, bien évidemment. Des concerts, des conférences et des ateliers sont également au programme. Et pour conclure cette revue de presse, nous passons au vinyle du pauvre, sélectionné par notre digger attitré Julien. Cette semaine, c'est Rock Your de Liquid Dope, sorti en 1997 sur le label Henry Street Music. Une petite bombe disco dans laquelle on retrouve un sample du fameux The Sound of Music de Dayton. Un must-have à seulement 95 centimes sur Discogs. Et voici donc le petit prix signé Liquid Dope, Rock Your, c'est tout de suite sur Makitip. We'll be right back. écouter le vinyle du pauvre choisi par Julien. 95 centimes du coup sur Discogs. C'était Rock Yours avec le sample de The Sound of Music. C'est signé Liquid Dope. Comme chaque semaine, du coup, on vous fait découvrir en avant-première un morceau extrait d'un EP à venir. Et aujourd'hui, c'est le nouveau 4 titres de Junction que je vous présente. Le DJ et producteur est également la moitié du duo Fouque, cofondateur du label Outplay et officie aussi en solo sous le nom de Hans Piemann. Mais c'est surtout en tant que Junction qu'il brille depuis quelques années. Avec déjà une dizaine d'EP sortis depuis ses débuts en 2012, l'artiste originaire des Pays-Bas a pris pour habitude de nous offrir des tubes house aux sonorités parfois funk, parfois disco. Rebelote ce mois-ci avec Sweet Release, un EP prévu le 15 mai prochain sur Times Are Rough. La collaboration entre Junction et le label n'est pas nouvelle, et c'est avec plaisir que l'on retrouve un ensemble riche, club et surtout groovy. Ça sort le 15 mai, mais pour patienter, on vous fait découvrir donc en avant-première Baby I Need, extrait de l'EP Sweet Release. C'est tout de suite sur Make It Deep. Première de la semaine, c'était Junction, son nouvel EP Sweet Release sur le 15 mai, et le titre c'était Baby I Need. Voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, Aurélien aka KM3 nous a retrouvés dans les studios. On s'envoie un petit jingle et puis c'est parti pour l'interview. Salut Aurélien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer par une question un peu traditionnelle dans l'émission. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est faite ta formation musicale, puisqu'on sait que tu viens pas forcément de la house au début. Donc, nous raconter un petit peu comment est-ce que tu en es venu à mixer dans un premier temps et puis quelle a été ta formation musicale. Dans l'ordre, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose pas souvent, mais j'ai commencé la musique par les instruments traditionnels, le piano, la guitare. J'ai joué dans un groupe de funk quand j'étais plus jeune. Et en fait, la transition s'est faite parce que j'aimais déjà diguer quand j'étais jeune. Et donc, j'écoutais frénétiquement beaucoup de musique. Bon, j'ai commencé effectivement par le jazz, la soul, le funk et le hip-hop. Et c'est surtout le hip-hop qui a été le déclencheur pour acheter des vinyles. Le premier vinyle que j'ai acheté, c'était du hip-hop. Et petit à petit, voilà, j'essaie de reproduire les mix de mes héros new-yorkais de l'époque. Et j'ai commencé à collectionner des disques. Et effectivement, c'était une époque qui était un peu moins ouverte qu'aujourd'hui, je trouvais, quand j'ai commencé à mixer il y a 20 ans. Moi, j'étais à fond dans le funk, le hip-hop. Mais par contre, hyper rapidement, pour moi, la house et le hip-hop, c'était plus ou moins la même chose. C'était des samples. Pour moi, j'avais des disques de Kenny Do, puis ils faisaient du hip-hop, des disques de Kenny Do, puis ils faisaient de la house. Je voyais pas vraiment de barrière entre les deux. Et assez rapidement, voilà, Faces, on l'a monté assez tôt, parce qu'au début, j'étais vraiment lié à l'histoire de ce label. Et on sortait aussi bien du broken beat que de la house, que du hip-hop. Parce qu'en fait, t'es à la base de Faces avec Pablo. Avec Pablo, on a commencé, il est originaire de Strasbourg, comme moi, ouais. On avait une résidence à la Laiterie, qui était un peu le seul lieu de concert, et on a commencé à mixer ensemble quand on avait, voilà, il est un peu plus jeune que moi, il avait 18 ans, moi 20 ans. Et donc on a décidé de faire les disques. Okay. Et le premier, c'était La Roy, qui est encore un de mes très bons amis, et qui fait toujours de la musique, et avec qui j'avais partagé le studio jusqu'à il y a encore 2 ans, qui déménage en Angleterre. Et Faces, vous l'avez monté quand Ça a plus de 10 ans maintenant, c'était 2000... C'était... j'arrive même pas à me rappeler la date, mais c'était début des années 2000, 2002, 2003. D'accord, ok. Ouais. Donc en fait, la jonction entre tes amours pour le jazz et le hip-hop s'est fait naturellement à la house. En fait, il y avait pas que Pablo, on était 4-5 dans ce collectif, et on était tous hyper ouverts. Il y avait un mec qui était plus du côté dub, reggae, et Pablo était plus musique brésilienne et house que moi au départ. Moi j'étais plus hip-hop, mais au final, on écoutait tous la même chose. Hein. D'accord, ok. Et toi, à cette époque-là, tu produisais déjà, en fait, de house? Non. Tu étais vraiment musicien? Non, au début, j'étais musicien. Je faisais plus de la guitare sur des prods qui sont jamais sortis, d'ailleurs. Mais j'ai commencé à produire un tout petit peu plus tard, après les premières sorties. D'accord, voilà. Ok. Donc, plutôt fin des années 2000 Moitié. Moitié, okay, moitié, d'accord. Début. En fait, j'ai fait longtemps du Fruity Loops dans ma chambre, et c'est Grumps qui m'a poussé à les sortir. D'accord, ok. Et donc, du coup, ton premier EP sort quand exactement? Le full EP, tu veux dire? Ouais. Bientôt. En fait, j'en ai 2 qui sont prêts. Non, le premier que t'as été sorti sur Faces. C'était il y a 3-4 ans. D'accord, 3-4 ouais, ans, ouais, okay. Ouais. Ok. Donc finalement, comment t'expliques le fait que t'as commencé à produire comme il y a longtemps, mais que ton premier EP arrive un peu tard au final? Tout simplement parce que je me suis jamais dit je vais sortir des disques, d'accord, je vais être producteur. Pour moi, je me suis toujours considéré plus comme un musicien et un DJ avant d'être producteur. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à prendre confiance, parce que j'ai des morceaux qui ont été extrêmement populaires pour Grumps. Je me suis dit, si les gens aiment, c'est que ça doit pas être mauvais. Okay. Et j'ai commencé à voir la prod un peu plus sérieusement depuis 2-3 ans, alors que ça fait 20 ans que je fais de la musique. Ok. Voilà. Et justement, c'est la question que je me posais dans ton processus de production électronique aujourd'hui. Comment est-ce que... Enfin, j'imagine qu'il y a du coup une grosse influence de ce que tu avais fait à la base en tant que musicien. Comment est-ce que tu as incorporé justement cet amour pour le jazz, pour le hip-hop et ta formation de musicien dans ton processus de production aujourd'hui? C'est une bonne question, parce qu'au départ, en fait, j'ai complètement abandonné le côté... guitare, instrument, pour la prod pure et dure. Et là, j'ai quand même sorti beaucoup de morceaux pour des rappeurs français. Je fais de la musique pour de la pub aussi, pendant longtemps. Et j'utilisais quasiment que des VST. J'utilisais même plus ma guitare, alors que c'est l'instrument où on joue le mieux. Et pendant longtemps, je me suis focus vraiment sur les machines. Et en fait, au bout d'un moment, je sais pas, c'est eu l'envie. Là, il y a eu un petit retour. Et là, effectivement, je fais un projet avec un jazzman où on joue absolument tout. Il y a tout qui est joué. D'accord. Okay. D'ailleurs, j'ai ramené des morceaux. Ça va être un des prochains trucs à venir. Ok, oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu peux nous parler aussi rapidement des choses qui sont à venir? Parce que tu as beaucoup de choses sur la paille là qui arrivent. Beaucoup de choses, oui et non. Oui, dans le sens, on m'a demandé pas mal de trucs et moi, je suis pas trop pour envahir comme d'autres producteurs font à tout prix d'être sur 50 labels. Je préfère faire des sorties qui me ressemblent et prendre mon temps et sortir un disque tous les 6 mois s'il faut. Mais en gros, là, il y a. Ben, alors, déjà, dans 2 jours, il y a un clip qui sort, ça sera la prochaine release et la première de Increase the Groove. Donc, ça, c'est un EP qui est justement entre hip-hop et house. Et le mec qui a monté ce label, à qui j'ai filé un coup de main, c'était vraiment un espèce de fan de Grimes assez jeune et que je connaissais depuis un moment. Et la transition, elle s'est faite immédiatement. On a tous voulu se lancer sur un projet qui était entre house et hip-hop et que je trouvais assez réussi pour un premier disque. Ok. Voilà. Et la suite, donc il y a. Bon, ça fait à peu près 6 mois que je travaille avec donc, un jazzman qui s'appelle Dexter Goldberg. Alors, on ne se voit pas autant qu'on veut parce qu'on est tous les deux un peu occupés. Lui, il a un trio avec lequel il tourne à l'année. Et moi, j'ai aussi mes occupations qui sont diverses. Tu les connais peut-être pas toutes. Et donc, du coup, on essaie de se voir assez régulièrement quand même pour faire pas mal de morceaux. Et là, on a à peu près une dizaine de morceaux. Et quand on aura un projet solide, on va le sortir. Et là, je le sortirai, je pense, sur mon label, sauf si on trouve vraiment un truc bien à l'étranger. Sur Faces, du coup? Non. Non. Oui, d'accord. Moi, ça fait longtemps que je fais plus Faces. D'accord. Non, il n'y a plus que Pablo depuis début 2000 même. D'accord. Et donc j'ai fait d'hip-hop avec Drums après pendant longtemps. Ouais. Et là, le nouveau label, ça va être Magic Black. D'accord. Donc là, il n'y a pas encore de P qui sont sortis. Et c'est avec le Jazzman que tu vas inaugurer le nouveau label. Non, ça sera sûrement plus tard. D'accord. En fait, j'ai 2 EP qui sont plus ou moins prêts. Il y en a un qui est complètement seul avec des machines, qui est beaucoup moins instrument, côté instrument. Et l'autre, avec le Jazzman, on cherche encore quelle formule on adapte. On a fait plein de petits lives un peu secrets. Et on essaie de développer un peu la formule avant de sortir le disque. Et voilà, on se laisse le temps, en gros. Ok. Et le premier EP de ton nouveau label, il sortira à peu près quand? Celui qui est plus... Il devait sortir en juin, mais il y a un des artistes qui n'a pas aimé une des faces. Donc du coup, on a décalé pour pouvoir faire un maxi qui faisait plaisir à tout le monde. Ok, voilà. D'accord. J'avais envie d'aborder un autre sujet avec toi, parce que c'est pas toujours le cas chez les producteurs, mais on sait que tu as un rapport particulier avec la radio, ouais. Puisque tu as eu une résidence sur une radio à Strasbourg, une à Bordeaux, on sait que tu as une résidence au Mélotron aussi, une petite sur Rins. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la radio? En quoi ça a l'air d'être important? La radio, c'était la base du mix, parce que avant de mixer dans les soirées, j'ai fait de la radio hyper jeune. Et c'est l'histoire que j'aime bien raconter. J'ai commencé quand j'étais à Strasbourg, je faisais ça en pirate parce que c'était quand même la plus grosse radio indépendante. En fait, je m'étais incrusté dans le show de mecs plus vieux que moi alors que j'étais assez jeune. Et comme je connaissais les codes, des fois je faisais le pirate et j'arrivais sur les ondes sans me présenter et je mixais en pirate jusqu'à ce que je me fasse choper. Donc j'aimais bien ça en fait. Il y avait une espèce de stress que j'ai plus, mais j'adorais le fait de lancer un track et de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent, c'était une sacrée excitation. Ouais, et quand t'as commencé justement sur les ondes radio, il y avait un rapport différent, j'imagine aussi, avec la radio. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas autant internet. Moi, d'ailleurs, comme pas mal de gens à Strasbourg qui sont des pas mal de producteurs, on a tous été influencés, en gros, par cette radio et par son programmateur, qui s'appelle DJ No Stress, et qui a influencé, voilà, on parlait de Pablo, aussi bien Pablo que Irfan, qui chante avec Breakboot, que plein de gens. Ça a vraiment été notre mentor, parce que c'était lui qui a ramené les disques d'Angleterre, c'est lui qui a ramené la drum and bass, l'acid jazz, le broken beat. Il nous a ouvert énormément l'esprit quand, sur Internet, il n'y avait en gros rien, quoi. D'accord, ok. Voilà, donc c'était aussi important qu'un disquaire. La radio, c'était vraiment une grosse source... Et à travers aujourd'hui ta résidence au Mélotron et ta résidence chez Rins, comment est-ce que tu l'aperçois finalement, la radio? Tu trouves qu'elle a toujours une importance Ben, disons que c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, parce que maintenant il y a beaucoup de web radio, il y a beaucoup de sources d'informations musicales pour les gens dans tous les sens. Donc je vois plus comme faire ma petite histoire et développer un peu ma vibe autour des gens que j'aime et des soirs que j'aime bien, des artistes que je veux mettre en avant, plutôt qu'essayer de représenter un courant, parce qu'aujourd'hui, si on veut s'informer, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Alors qu'à l'époque, ce qui était excitant, c'est qu'on ramenait des disques. En gros, on était les seuls à les avoir en France. Quoi. Mmh. Alors que, bon, aujourd'hui, c'est toujours le cas qu'on a des petites exclus, mais c'est pas vraiment le même délire. Ouais, il y a un accès beaucoup plus facile. Bah, on se sentait un peu comme les porte-drapeaux d'une scène française pour tout ce qui était les sons anglais. Même le début de Rush Hour, Want to Free faisait Red Nose District avant. Tous les trucs qui étaient entre hip-hop, house, des beats un peu bizarres. Tout ce qui a donné le futur hip-hop et les sonorités qui ont donné Numbers ou ce type de label. Pour nous, c'était vraiment le futur, quoi. C'était le jazz ou la soul, la musique électronique qui rencontre plein d'autres aspects de la musique. Et voilà, on était là pour représenter un truc qui était énorme pour nous, quoi. D'accord. Okay. Donc, il y avait vraiment un truc très, très fort derrière. Ouais. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est la house. Ouais. Le broken, maintenant même, c'est un peu développé, alors que ça l'a jamais été. Ouais, c'est vrai que la scène londonienne de briquet est vachement mise en avant en ce moment. Et du coup... Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes dates là, qui arrivent en tant que chassette? Ben, les dates qui arrivent, en fait, là, je suis plus sur la prod. Bon, il y a la release party de notre EP qui se fera le 24 mai au Nouveau Casino. Donc, ça, c'est un peu la date à retenir. Avec King Chris the Group. Ouais, avec King Chris the Group. Donc, ça sera avec Harrison BDP, qui a un petit buzz à Paris. Donc, c'est chouette parce qu'on a décidé de la faire qu'entre nous. On n'a aucun gros headliner. Et Avorton, que j'aime beaucoup, qui fait son premier EP sous ce nom-là, alors qu'il avait fait d'autres trucs sous le nom de Hans Ederman, je crois. Et Louis d'Auvergne, peut-être qui te dit quelque chose sur Copie Blanche. Mmh. Et voilà, donc on le fait en famille. Et puis sinon, les dates, moi, comme j'ai un vieux réseau depuis des années, c'est plus les prochains trucs à l'étranger. Je vais attendre de voir ce que donnent les EP. D'accord, moi, j'attends toujours que mes disques me fassent jouer plus même en dehors de Paris qu'à Paris, parce qu'à à Paris, j'ai mes petites habitudes. Ok, ça marche. Ouais. Ben, on va terminer par une question traditionnelle de l'émission. Je sais que pour toi, en tant que digger de longue date, ça va être un peu compliqué, mais dans l'éventualité où ton appartement prendrait feu et qu'il te reste quelques minutes avant de dégager, parce que c'est vraiment le bordel et que t'as le temps à la volée comme ça de choper que trois disques, lesquels est-ce que t'embarques? Ce qui est très pratique, c'est que j'en ai laissé beaucoup chez mes parents. Donc, en fait, tout le jazz et le hip-hop, c'est chez mes parents. Donc déjà, peut-être que j'aurais peut-être plus de... Wow, c'est dur, hein. C'est dur. Je sais pas, parce que j'aime tellement de choses dans la musique. Combien tu m'as dit de disques, hein? Trois. Trois? Les premiers qui te viennent à la tête, comme ça. Ah, j'aurais dû bien écouter l'émission et préparer ça. Hein. Je sais pas, alors des disques je vais prendre des disques importants, des trucs... Je dirais un truc de jazz, un I Want You de Marvin Gaye, alors qu'on peut le trouver partout. et puis des petits tests press que je sais que je ne retrouverai pas, d'Aaron Carl ou un truc comme ça. Voilà. D'accord. Okay. Détroit, le jazz. Et, voilà. Ok, et en jazz, tu as une idée de ce que tu prendrais là? Le jazz, en fait, c'est une musique que je collectionne depuis que j'ai à peu près 20 ans, donc c'est hyper dur. Et je collectionne Blue Note et Impulse. Et l'un comme l'autre, je ne pourrais pas choisir un entre... Coltrane, peut-être À part celui qui est chez mes parents, qui est le comment il s'appelle Love Supreme, l'original, qui a toujours été chez mes parents, j'en ai très peu chez moi, des John Coltrane, parce que j'ai beaucoup écouté ça avant. Mais non, je dirais Bobby Richardson, l'album Rose, chez moi, parce que j'ai eu du mal à le trouver. Ok, ça marche. Voilà. Bon, c'est noté. Écoute, on va te laisser passer derrière les platines maintenant pour une petite heure. On s'envoie un jingle et c'est tout de suite Aurélien, aka KM3 sur Make It Deep pendant une heure. On se retrouve juste ensuite. Ça va, c'était pas... saying? I mean, it's... Shake. Bye. So brace yourself while we interface. So when you enter in the dance, all you hear is bass. The sounds of another killer track. Material that you can love when the party is back. Put it on, watch the chain reaction. Computerized fight for your satisfaction. And any other facsimile trying to emulate comes out second rate. See, we rated the most. Put it up against another track, it won't come close. It's logical, the two that started it off will hit you off with a sequel. I'm here to answer the call, you know? Hold tight. Je te laisse désannoncer le morceau, Aurélien. C'était Someday de George Duke, qui est mort il y a longtemps. Ça roule. Et ben, c'était KM3, Aurélien aka KM3 sur Make It Deep. Merci, merci de l'invitation. Un grand big up, c'était vraiment mortel. Et si tu peux nous rappeler rapidement les dates là, que tu as chaudes. La prochaine, c'est la release party pour Paris le 24 mai. Et sinon, il y a Bruxelles le 2 juin, Amsterdam le 3 et Francfort le 7. Ok, mais bon, ça marche. Pour Paris, 24 mai, nouveau casino avec Harrison BDP. Si vous envoyez des messages, vous venez tôt, c'est gratuit. Et donc, il y a plein de possibilités. Donc, on sera chaud pour la release. Ok, voilà. Bah, c'est noté. Et on va terminer, comme chaque semaine, en jazz et en musique, avec un morceau de Rudolph Johnson, jazzman canadien des années 70, avec Mr. TJ, sorti sur Black Jazz Records. L'année, je me rappelle plus. Donc voilà, Rudolph Johnson avec Mr. TJ pour clôturer cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine avec un invité dont on vous livrera le nom dans la semaine. Très bonne semaine à tous. Ciao. Merci. We'll be right back.